Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, s'est fait photographier en souvenir avec les participants à la 7e conférence de la Fédération Générale des Syndicats de Corée. Y ont pris part Choi Ryong-hae, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, d'autres cadres responsables du comité central du parti et le président du comité central de la Fédération Générale des Syndicats de Corée. Kim Jong-un a félicité chaleureusement les participants à la conférence d'avoir consacré tous leurs efforts patriotiques et fidélité pour l'œuvre d'édification d'une puissance socialiste en continuant invariablement les traditions de la défense à outrance du comité central du parti et de la fidélité, en comptant seulement sur le parti et pour le renforcement des structures syndicales avant la prise de vue. Il a exprimé la certitude qu'ils rempliront bien leurs responsabilités et leurs devoirs honorables devant l'époque et la révolution, en tant que piliers et pionniers de la marche générale pour la victoire finale de la cause révolutionnaire Juche, en considérant comme trésor éternel et base sans prix les espoirs immortels accomplis par les grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il pour l'édification de l'organisation politique de masse de la classe ouvrière.